J'aurais voulu être clair en piste, mais je presse sans statut. J'aurais voulu être un artiste, mais hors la loi je suis devenu. Je suis pourtant un hédoniste, j'aime la vie de plus en plus. Je la scule comme un ébéniste, je n'ai pas de temps perdu. Que ça m'est défendu, car je suis peut-être sur la liste de certains agents qui ont rompu avec le sens de la justice, en oubliant le bien-être inattendu que procure le rêve qu'un artiste te donne même s'il est méconnu. Mais il faut être réaliste, on peut être négatif ou positif, pessimiste ou optimiste, il faut être réaliste, optimiste, il faut être réaliste. On peut être négatif ou positif, pessimiste ou optimiste, il faut être réaliste, optimiste. Y aura-t-il un lendemain? Suis-je en plein examen? Est-ce l'autre côté du miroir? Dois-je y croire pour le voir? J'erre dans un couloir où chaque porte porte son histoire. Transformation génétique, élimination alphabétique. Ah putain, on va faire en doré. Hein, puis, pris le bonbon doré, j'ai pas à côté.